إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication du livre Al-Usul al-Thalatha avec le charh du Cheikh Zayd ibn Hadi, Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Et on est arrivé donc toujours à l'explication de la parole de l'imam al-Bukhari lorsqu'il dit dans son sahih, l'imam al-Bukhari il a mis dans son livre un chapitre qu'il a intitulé Babul Ilm Qabla al-Qawl wal-Amal, c'est-à-dire le chapitre qui s'intitule La science passe avant la parole et l'action. Donc, avant de parler ou de dire une chose dans l'islam ou de faire une action, il faut qu'il y ait la science. Il faut qu'on ait la science. Il faut qu'on ait des preuves tirées du Coran et de la Sunna au sujet de ces choses-là. Et parmi les explications que le Cheikh Zayd a mentionnées, il y a le fait que la parole de la ilaha illallah, elle a des piliers, elle a des conditions, elle a des droits. Et donc il faut connaître qu'est-ce que c'est les piliers de la ilaha illallah, qu'est-ce que c'est les conditions de la ilaha illallah, et qu'est-ce que c'est les droits de la ilaha illallah. Aujourd'hui, si on demande par exemple à la plupart des musulmans, yani, au hasard comme ça, quelles sont les conditions de la ilaha illallah, eh bien la plupart des musulmans ne seraient pas capables de répondre à cette question-là. Quelles sont les conditions de la ilaha illallah, hein? Donc la plupart des musulmans ne seraient pas capables de répondre à cette question-là. Pourtant c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale, puisque personne ne pourra rentrer au paradis, comme on l'a expliqué au dernier cours, sauf s'il a réellement compris et réalisé la signification de cette parole. Et donc, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, pour faire en sorte que justement, on puisse avoir la connaissance de ces conditions-là, puis pour être capable, par la suite, de les respecter, de les appliquer correctement. La question des conditions de la ilaha illallah ont été mentionnées par différents imams, parmi les imams de l'islam, parmi les salafs, comme l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah. On lui a posé la, ou bien plutôt il était avec al-Farazdaq. Il dit وقول الحسن البصري للفرزدق وهو يدفن يدفن امرأته ماذا أعددت لهذا اليوم فقال الفرزدق شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة فقال الحسن نعم نعم العدة فإن لي لا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنة وفي رواية هذا العمود فأين الطنب وقيل له إن ناسا يقولون يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب ابن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. Donc parmi les exemples, on a la parole de l'imam Al-Hassan Al-Basri qui fait partie des imams, parmi les imams des tabi'in, des étudiants, des élèves, des sahaba, radiallahu anhum. Donc Al-Hassan Al-Basri, il a grandi dans la maison de Aïcha, radiallahu anha, fait partie des grands savants parmi les premières générations des musulmans, ce qu'on appelle As-Salaf Al-Salih, les pieux prédécesseurs. Donc, ici, il y a l'exemple qu'il y a un homme qui s'appelait Al-Farazdaq, qui était un poète, et qui a enterré sa femme. Et au moment où il enterrait sa femme, Al-Hassan Al-Basri lui a demandé « Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour ?» Alors, Al-Farazdaq a dit « J'ai préparé le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, et je l'ai préparé depuis 70 ans. » Alors Al-Hassan a dit « Quelle belle chose que tu as préparée. Mais sache qu'il y a des conditions à cette parole de la ilaha illallah. » C'est-à-dire qu'il y a des conditions à ce témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Alors fais attention à ne pas accuser injustement une femme chaste. Hein? Et dans une autre narration, il a dit « Ça c'est uniquement le pilier, mais où sont les cordes qui tiennent la tente ?» Hein, dans une tente, il y a des piliers qui tiennent le toit. Mais sans les cordes, comment cette tente pourra se tenir? Donc il a donné des exemples en expliquant que les cordes qui tiennent la tente, ce sont les conditions de la ilaha illallah. Il y a aussi un autre exemple aussi qui a été rapporté. Lorsqu'on lui a demandé, Al-Hassan Al-Basri, on lui a dit, il y a des gens qui disent, celui qui dit la ilaha illallah, celui qui dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il entre au paradis. Alors, Al-Hassan Al-Basri a répondu en disant, celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qui a respecté ses droits, et qui a appliqué son obligation, celui-là entre au paradis. Et on a demandé à Al-Wahb ibn Munabbih, également un des imams parmi les imams des salaf. N'est-ce pas que la ilaha illallah est la clé pour le paradis? Il a répondu, certes. Toutefois, il n'y a pas de clé excepté que cette clé a des dents. Donc, si ta clé, elle a les bonnes dents, alors la porte du paradis s'ouvrira pour toi. Toutefois, si elle n'a pas les bonnes dents, alors la porte du paradis ne s'ouvrira pas. Et donc, les dents de cette clé dont on parle ici, ce sont les conditions de la ilaha illallah. وقال ابن رجب نقلا عن طائفة من العلماء إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار ولكن له شروط. Donc l'imam ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, un des grands ulama, il a rapporté selon un groupe d'entre les savants que la parole de la ilaha illallah, c'est la parole du tawhid, et c'est une cause pour que quelqu'un entre au paradis. C'est une cause qui implique que quelqu'un entre au paradis et qu'il soit sauvé de l'enfer. Toutefois, cette parole, elle a des conditions. Donc ça, c'était juste pour vous citer quelques exemples des paroles de nos imams parmi les salafs et comment ils ont expliqué que cette parole, elle a des conditions. Et maintenant qu'on a clarifié ce point, on va commencer à énumérer les différentes conditions et à expliquer les preuves de chacune de ces conditions-là. Et yani mentionner les explications que les ulama ont données au sujet de chacune de ces conditions. Donc le cheikh Zayd al-Madkhali, il dit « وَكَمَا ذَكَرُوا لَهَا أَرْكَانًا فَقَدْ ذَكَرُوا لها شروطا سبعة بل ثمانية عرفت بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. Donc, comme on a mentionné que la ilaha illallah, elle possède deux piliers, et on a expliqué au dernier cours que les deux piliers de la ilaha illallah, c'était an-nafi wal-ithbat, c'est-à-dire la négation et l'affirmation, c'est-à-dire la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et l'affirmation que seul Allah mérite d'être adoré. Maintenant, les ulama ont également mentionné que la ilaha illallah avait diverses conditions. Certains ont mentionné 7 et certains ont mentionné 8, qui sont connues en suivant ou en lisant les textes du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire qu'en lisant les textes du Coran et de la Sunna, on va découvrir qu'il y a ces conditions-là à propos de cette parole. Le Cheikh, il mentionne la première condition, al-shartul awwal al-ilm. La première condition de la ilaha illallah, c'est de posséder la science, c'est-à-dire de connaître la signification de la ilaha illallah, al-ilmu bima'naha. وذلك أن العبد إذا نطق فقال لا إله إلا الله فإنه يجب أن يكون عالما بمعناها أي لا معبود حق إلا الله ولكل شرط من شروطها ضد فضد العلم الجهل وذلك أن الجاهل بمعناها لا يستطيع أن يطبق ما دل عليه أو ما دلت عليه من العلم حتى يعلم. ومن أجل هذا قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. Ici le cheikh explique donc que le serviteur d'Allah, lorsqu'il dit la ilaha illallah, alors il est obligatoire pour lui de savoir qu'est-ce que cette parole-là signifie. La ilaha illallah, c'est pas juste une parole que quelqu'un doit répéter comme un perroquet par exemple, qu'il va répéter cette phrase sans savoir ce qu'elle signifie, sans savoir ce qu'elle implique, sans savoir ce qu'elle affirme, sans savoir ce qu'elle nie. Hein? Si une personne dit cette parole-là sans comprendre, sans connaître, eh bien, c'est comme s'il ne disait rien du tout. C'est comme s'il n'avait rien dit du tout en réalité, puisqu'il ne sait même pas de quoi il s'agit ou de quoi il témoigne. Hein? Donc le cheikh, il mentionne, il dit que c'est obligatoire pour quelqu'un, lorsqu'il dit cette parole-là, de savoir ce que ça signifie. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est « la ma'bouda haqqun illallah ». C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Et bien entendu, chacune des conditions, elle a quelque chose qui l'oppose. Hein? Donc elle a son opposé. Donc le contraire ou l'opposé de la science ou de la connaissance, c'est l'ignorance. Et donc, la personne doit connaître la signification de la ilaha illallah et elle doit également ne pas ignorer, bien entendu, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie. Puisque si la personne ignore, elle ne pourra pas être capable d'appliquer réellement la signification de cette parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans sourate Az-Zukhruf, « Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamoun » C'est-à-dire, excepté ceux qui témoignent de la vérité, alors qu'ils savent, hein, en pleine connaissance de cause. Donc, on trouve dans la Ummah des gens qui vont dire la ilaha illallah jour et nuit, hein, du matin jusqu'au soir, et qui le répètent, qui répètent ce témoignage dans leur salawat, qui répètent cette parole dans leur ibadat, et ainsi de suite, et pourtant, qui contredisent sa signification. Hein? Comme si on peut comprendre par ça qu'ils n'ont rien compris en réalité de ce qu'ils font. Par exemple, des gens qui disent je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et puis quand ils ont un moment de détresse ou un malheur dans leur vie, lorsqu'ils ont besoin d'aide, à ce moment-là, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont appeler Sayyid Ahmed Tijan, ou bien ils vont appeler Abdul Qadir al-Jilani, ou bien ils vont appeler un autre parmi les awliya, ceux qu'ils considèrent être des awliya, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils vont évoquer et appeler le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont dire ya Abdul Qadir arifna, يا تيجان انصرنا أو يا فلان من الأولياء. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'on retrouve parmi les gens qui se disent musulmans, qui font le témoignage, qui disent le témoignage de la ilaha illallah plusieurs fois par jour, et qui font les prières, qui font le jeûne, qui font même parfois le hajj, et pourtant ils commettent cet acte qui est un acte de shirk, d'appeler au secours dans les moments de détresse des êtres vivants ou morts, mais qui ne sont pas capables de leur venir en aide à ce moment-là. Bien entendu, s'ils sont morts, ils ne peuvent pas leur venir en aide parce qu'ils sont déjà morts. Ils attendent leur jugement. Ils ne peuvent ni nuire, ni profiter à quiconque. Et s'ils sont vivants, bien entendu, s'ils sont vivants et présents au moment où il y a un danger ou une détresse, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal de les appeler à l'aide. Toutefois, si ce sont des gens qui sont à des kilomètres, et qui ne peuvent rien faire pour toi, et toi tu cries leur nom, et tu penses qu'ils vont pouvoir t'entendre ou venir à ton aide, eh bien ça rentre aussi dans quelque chose qui est en contradiction avec la base de la foi de l'islam, qui est le tawhid, puisque ça implique, par exemple, que tu penses qu'ils entendent tout, ou qu'ils peuvent savoir des choses alors que tu es pas présent, ou des choses de ce genre. Et ça fait partie du shirk également. Donc ça, c'est des exemples de shirk. Il y a des exemples parmi ce qui se produit maintenant chez les musulmans, des gens qui vont adorer des tombes et des morts et des saints, qui vont faire des pèlerinages à ces lieux-là, qui les considèrent comme des lieux saints, qui vont faire des sacrifices d'animaux à leurs tombes, qui vont faire des tawafs autour de leurs tombes, qui vont faire des vœux pieux à ces endroits-là, en espérant que le wali ou le saint en question va exaucer leurs vœux, et ils les prennent comme des intermédiaires ou des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et ils pensent qu'ils ont la capacité d'exaucer ces choses-là. Donc, ça aussi, ça rentre dans des exemples de shirk. Et pourtant, des gens qui disent « La ilaha illallah » font des actions de ce genre, qui sont des actions de la jahiliya, qu'on retrouvait chez les mushrikines de l'époque de l'après-islam, chez les gens de Quraysh, parmi les gens qui adoraient des idoles, chez Abu Jahl et Abu Lahab. Et donc aujourd'hui, tu vois ces gens-là qui disent cette parole de la ilaha illallah, mais qui commettent le même shirk, et même parfois des shirks plus graves que ce que commettaient des gens de Quraysh parmi les mushrikines. Comment ces gens-là peuvent faire ça alors qu'ils se contredisent? Et si on retourne à l'exemple des gens de Quraysh, par exemple, parmi les mushrikines, qui refusaient de dire la ilaha illallah avec acharnement, et ils étaient prêts même à se battre et à combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à même essayer de le tuer, comme ils ont essayé de le tuer de nombreuses fois, plutôt que de dire une parole qui est la parole de la ilaha illallah. Mais pourquoi ils refusaient de dire cette parole? C'est parce qu'ils savaient ce que cette parole-là impliquait. Ils savaient que la ilaha illallah, ça signifie rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils disent cette parole, ils doivent cesser d'adorer tout ce qu'ils adorent excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'étaient pas prêts à laisser tomber ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Donc pour ne pas se contredire, ils préféraient refuser de dire la ilaha illallah. Mais aujourd'hui, étant donné que les gens ne savent pas ce que la parole de la ilaha illallah implique, ils la répètent tous les jours, mais ils la contredisent en même temps à cause de leur ignorance ou de leur passion, ou de leur refus de l'accepter dans sa vraie signification. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la ilaha illallah, ça veut dire il n'est de créateur que Allah, ou il n'est de maître que Allah, ou il n'est de Dieu que Allah. Et c'est pas ça la signification de la ilaha illallah. Puisque même les idolâtres à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disaient que Allah est le créateur, que Allah est le maître. Et ça ne les a pas fait entrer dans l'islam. Et la preuve de ça, on la retrouve dans plusieurs versets dans le Coran, Puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Si tu leur demandes si tu demandes aux mushrikin qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Si tu leur demandes qui les a créés eux, ils vont dire Allah. Donc le fait de dire il n'y a pas de créateur excepté Allah, c'était pas un problème pour les mouchriquines. Le problème des mouchriquines avec la parole de la ilaha illallah, c'était dans al-ibadah et non dans al-rububiyya. Et ça c'est un point très important à comprendre, parce que si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris la signification de la ilaha illallah. Et malheureusement, beaucoup de gens, justement comme j'expliquais, n'ont pas compris cette parole et donc ils font ce qui s'oppose à cette parole. Et donc c'est pour ça que le cheikh il mentionne ici, il dit, et c'est pour cette raison-là que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a mentionné dans son livre, As-Sahih, le chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Hein? Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Pourquoi? Parce que la science et la connaissance de la ilaha illallah, c'est la base de la religion. Et c'est la règle, le fondement de la religion. Et il est obligatoire à tout musulman et à toute musulmane de l'apprendre et d'apprendre ses piliers, d'apprendre ses conditions, même si c'est de façon générale, sans rentrer dans tous les petits détails. Mais au moins, il doit savoir de façon générale qu'est-ce que cette parole-là signifie. Hein? الشرط الثاني اليقين وذلك بأن يكون الناطق بلا إله إلا الله موقنا بما دلت عليه من المعنى وهو النفي والإثبات وضد اليقين الشك فلا يجوز أن يشك المسلم فيما دلت عليه كلمة الإخلاص من معنى. Donc le cheikh il explique que la deuxième condition de la ilaha illallah c'est al-yaqin, c'est-à-dire d'avoir la certitude, d'avoir la conviction de ce que cette parole signifie et de ce que cette parole implique et de ce que cette parole affirme et de ce qu'elle nie. Et le contraire de al-yaqin, c'est quoi? C'est ash-shak, c'est-à-dire le doute. Et donc, le cheikh, il explique que le musulman, il ne doit pas du tout avoir de doute en ce que cette parole-là signifie et en ce que cette parole-là implique, hein, comme parole de sincérité et de pureté dans l'adoration. Donc ça c'est la deuxième condition et son opposé. الشرط الثالث القبول المنافي للرد. القبول, c'est-à-dire le fait d'accepter cette signification-là. Parce que tu vas trouver qu'il y a des gens qui savent la signification de la ilaha illallah, mais il y en a qui la connaissent, mais qui doutent par la suite. Donc ils n'ont pas respecté le témoignage de la ilaha illallah. Il y en a d'autres qui ont la connaissance, qui ont la certitude, hein, mais qui par la suite refusent de la prononcer cette parole, hein, ou de refusent de l'accepter. Hein. Et donc ça c'est... Qu'est-ce qu'on retrouve de la part de plusieurs d'entre les mushrikin, comme l'exemple d'Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé vers lui, au moment de sa mort, et il y avait en sa présence Abu Jahl et un autre aussi parmi les mushrikin qui étaient là à l'époque, qui par la suite a accepté l'islam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle, « Dis la ilaha illallah ». C'est une parole que j'utiliserai au jour de la résurrection devant Allah pour toi, en ta faveur. Et Abu Jahl, qui était à côté de lui et qui l'encourageait à ne pas dire la ilaha illallah, et qui lui disait, est-ce que tu vas abandonner la religion de Abdul Muttalib, c'est-à-dire la religion de tes ancêtres parmi les mushrikin qui adoraient les idoles, tu vas abandonner ça? Hein? Donc il le décourage de dire la ilaha illallah. Et finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir insisté plusieurs fois ou répété plusieurs fois, et après l'avoir invité plusieurs fois à dire la ilaha illallah, eh bien, il a fini sa vie en disant, je reste sur la religion de Abdul Muttalib. Hein? Malgré que Abu Talib savait que la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vraie. Et non seulement il savait que cette religion-là était vraie, mais il a défendu son neveu contre les mouchriquins qui voulaient le tuer ou lui faire du tort. Et c'est pour ça que même, il y a un poème très célèbre qui est attribué à Abu Talib justement à ce sujet-là, et dans lequel il disait « لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ » لولا المسبة أو حذارة أنا نسيت البيت أنا لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة وحذار مسبة لكنت بذاك سمح لأعلنت ذلك أو كما قال لا أذكر الآن je me souviens plus de comment il l'a dit maintenant. Mais en voulant dire, qu'est-ce que ça signifie cette parole? Ça voulait dire de la part de Abu Talib, je sais que la religion de Muhammad est la meilleure religion du monde. Et si ce n'était de la crainte que j'ai des blâmes et des insultes de mon peuple, d'abandonner la religion de mes ancêtres, tu m'aurais vu reconnaître ça et divulguer ça de façon claire. Donc qu'est-ce qui l'a empêché de témoigner de la ilaha illallah? C'était pas le fait que il a par exemple nié ou refusé d'accepter la religion, dans le sens qu'il n'a pas nié que cette religion là c'était la vérité. C'était parce qu'il avait peur des blâmes et des critiques de son peuple. Il y a beaucoup de gens parmi les kuffars et les mouchriquins, ce genre de choses là les empêchent d'accepter l'islam. Même aujourd'hui encore, si tu parles avec certains d'entre les koufars et les mouchriquins, et tu leur expliques, parce que tu leur parles de l'islam, ils vont te dire, « Masha'Allah, moi, je considère que l'islam, c'est la religion de la vérité. Mais je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Parce que, si j'abandonne ma religion, qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que mes ancêtres vont dire? Vont dire ou des choses de ce genre. Je ne peux pas abandonner ma religion. Alors qu'ils savent que l'islam c'est le haq. Donc ça c'est un exemple qui montre que la personne, elle doit non seulement savoir que c'est la vérité, l'islam, et être convaincue de ça, mais il doit aussi l'accepter et ne pas le refuser. C'est pour ça que le cheikh il dit « Al-Qaboul lima dallat alayhi min al-ma'na al-azim alladhi huwa al-nafi wal-ithbat » أي القبول لذلك بصدر منشرح ونفس مطمئنة وإيمان عميق وأن ما دلت عليه هذه الكلمة هو أصل الدين وقاعدته وأساسه. Donc le cheikh explique que il faut donc accepter cette parole et qu'est-ce qu'elle implique comme grande signification c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle affirme que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. La négation c'est que rien ne mérite d'être adoré et l'affirmation que seul Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite d'être adoré. Naam, donc ça c'est al-qaboul dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu dois l'accepter avec une poitrine ou un cœur ouvert et une âme qui est en paix ou une âme apaisée et une foi profonde. Et accepter ce que cette parole implique, et de savoir que c'est le fondement de la religion, la base et la règle de cette religion. La ilaha illallah. Wa didd al-qabul ar-radd. Wa qad fa'alahu kuffar Quraysh, alladhina wajahahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bid-da'wa, faraddu alayhi hadhihi al-kalima, i'tizazan bi'ibadati al-asnam wal awthan. ووجدوا عليها الآباء والأجداد ودارت المعارك ونصر الله عز وجل الطائفة المؤمنة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم على أولئك الكافرين المعرضين الذين لم ينقادوا لكلمة الإخلاص إلا بعد مصاولة وبعد أذى نال النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة المؤمنة القليلة الذين اتبعوه في أول الأمر منهم من هاجر إلى الحبشة ومنهم من بقي مختفيا حتى جاء الله بالفتح المبين. وجاءت الهجرة وجاء بعدها الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا وانتصر الحق وعلت هذه الكلمة التي من أجلها خلق الله الثقلين وخلق السماوات والأرض وخلق النار وخلق الجنة والنار وشرع الجهاد والدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك لتحقق معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. Donc le cheikh il explique que le contraire de cette condition qui est al-qabul, l'acceptation, c'est ar-rad, c'est-à-dire le refus ou le rejet. Et c'est ce que Quraysh, les koufars de Quraysh ont fait lorsqu'ils ont affronté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wah et qu'ils ont refusé de dire cette parole-là, hein, en recherchant la fierté dans l'adoration de leurs idoles, hein, sur lesquelles ils ont trouvé leurs ancêtres et leurs pères. Donc ils ont dit, c'est la religion de nos pères, c'est la religion de nos ancêtres, tu ne peux pas l'abandonner. Hein? Et il y a beaucoup de gens comme ça qui utilisent la jahiliya comme une fierté pour essayer de justement rejeter la vérité lorsqu'elle leur parvient. En voulant dire, on ne veut pas accepter cette religion que tu nous amènes parce qu'elle est en contradiction avec ce que nos ancêtres ont amené ou ont cru, et ainsi de suite. Et donc il y a eu des batailles entre les croyants les mécréants et les mouchriquins. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire au petit groupe de croyants qui était guidé par ce noble prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contre ces mécréants qui opposaient la vérité et qui refusaient de se soumettre à cette parole de pureté et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de la ilaha illallah. Excepté après beaucoup de combats et après que les croyants aient eu le dessus sur eux. Et après avoir subi beaucoup d'offenses, c'est-à-dire après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait subi beaucoup d'offenses, lui ainsi que le groupe de croyants qui étaient peu nombreux à l'époque au tout début, mais qui avaient accepté de le suivre. Parmi eux, il y en a qui ont fait la hijra et qui ont quitté Mecca pour aller à Al-Habasha, c'est-à-dire pour aller en Éthiopie. Et c'est là qu'ils ont trouvé refuge. Et d'autres sont restés cachés en attendant que Allah subhanahu wa ta'ala vienne avec la victoire. Et ensuite est venue la hijra, c'est-à-dire la hijra vers Al-Madina, hein, Al-Nabawiya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Mecca pour aller vivre Al-Madina qui était devenue une terre d'islam. Et après, il y a eu la grande victoire, la grande conquête de la Mecque, lorsque les croyants sont retournés à Mecca et qu'ils l'ont reprise. Et les gens sont entrés dans l'islam en troupe et en groupe. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à la vérité. Et il a élevé la parole, hein, de l'islam, de la ilaha illallah, qui est la parole pour laquelle les hommes ont été créés. Et les cieux et la terre ont été créés. Qui est la parole pour laquelle Allah a créé le paradis et l'enfer, et pour laquelle il a légiféré le djihad, c'est-à-dire la lutte dans le sentier d'Allah pour établir le tawhid, et la parole pour laquelle il a établi la da'wah, fait d'inviter à l'islam et à Allah, et de donner la nasiha, de donner le bon conseil, d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Tout ça, c'est pour accomplir et concrétiser la signification de la parole de la ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant aujourd'hui, quand on regarde les groupes islamiques ou soi-disant islamiques qui prétendent vouloir appeler à l'islam ou appeler à l'application de l'islam, on voit que pour eux, la parole de la ilaha illallah, c'est la dernière de leurs préoccupations. C'est à peine s'ils en parlent, c'est à peine s'ils clarifient sa signification. Quand est-ce que vous avez entendu des cours sur le tawhid expliquer la définition de la ilaha illallah en détail? avec ses règles, avec ses conditions, avec ses droits. Et comme je vous ai dit au tout début de ce cours, combien d'entre les gens, si on leur demande quelles sont les conditions de la ilaha illallah, combien d'entre les musulmans seront capables de les connaître et de les de savoir ce qu'ils signifient? Très peu. Pourquoi? Parce que ces groupes-là ont mis de l'avant des intérêts politiques ou des intérêts économiques et ont mis de côté ou ont mis derrière leur dos la da'wa des prophètes et des messagers qui était d'appeler les hommes à l'adoration d'Allah seul et le rejet de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'appeler les hommes à entrer dans la soumission à Allah et d'adorer Allah seul. Donc ça c'est une des exemples, c'est une des... Il y en a qui vont te dire même parmi les individus ou les groupes de ces tendances-là, mon frère ne parle pas de tawhid, mon frère ne parle pas de la ilaha illallah, tu vas diviser les musulmans, tu vas diviser les gens. Si tu parles de aqidah, tu vas diviser. Il ne faut pas diviser, il faut unir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas parler de aqidah. Il ne faut pas parler de tawhid. Il ne faut pas expliquer la ilaha illallah. Il ne faut pas rentrer dans les questions qui sont les fondements même de l'islam. Donc si on se tait à propos des fondements de l'islam, et si on se tait à propos de l'explication et de la clarification du tawhid, et que c'est ça qu'on craint, qui va être la source de notre désunion et de notre division, alors dites-moi, qu'est-ce qui va nous unir? Est-ce que c'est le shirk? Est-ce que c'est les bid'ah? Est-ce que c'est les passions? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est les intérêts économiques qui vont nous unir? Alors retournez à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui a uni les croyants à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? N'est-ce pas le tawhid? Hein? N'est-ce pas la parole de la ilaha illallah? Hein, bien entendu. C'est le tawhid qui les a unis. C'est la aqidah qui les a unis. Et donc, si quelqu'un aujourd'hui pense que le tawhid est une source de division, sachez que c'est lui la source de la division. S'il y a quelqu'un qui pense aujourd'hui que le fait d'expliquer aux musulmans la différence entre le shirk et le tawhid, c'est une cause de division, sachez que c'est lui la cause de la division. Si quelqu'un aujourd'hui vous fait penser, vous fait croire que d'expliquer aux musulmans la différence entre la sunna et la bid'a, c'est ce qui cause la division chez les musulmans, sachez que c'est lui la source de la division et la cause de la division dans la umma, parce qu'il veut faire en sorte que les musulmans restent dans l'ignorance pour mieux les contrôler et pour qu'ils restent toujours faciles à manipuler sans comprendre les fondements et les règles et les principe de l'islam, hein, pour des raisons politiques ou autres. Nasallallahu al-afiyah. Tandis que la da'wah de nos messagers et de nos prophètes, c'était d'expliquer avant toute chose la ilaha illallah. Et ça, on le retrouve dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple de tous les messagers que Allah a envoyés à l'humanité. Ils ont tous commencé leur da'wah par la da'wah au tawhid et à la aqidah. Hein, que ce soit à partir du prophète Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa, et tous les autres messagers d'Allah, ils ont toujours concentré leur da'wa sur le tawhid. Même Youssef alayhi salam, quand il était en prison, il appelait au tawhid. Même dans la prison, il appelait au tawhid, subhanallah. Et il combattait le shirk. Et il réfutait le shirk. Et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, malheureusement, chez les du'ats et chez les groupes islamiques, malheureusement. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Ensuite, le cheikh, il explique que il y a une autre condition. Par la suite, c'est Ash-Shartu Rabi', la quatrième condition, c'est Al-Inqiyad. Al-Inqiyad, bima'na al-khudu' wal-istislam, zahiran wa batinan. C'est-à-dire la soumission et l'humilité apparente et cachée, c'est-à-dire intérieure et extérieure, à la signification de ce qui est impliqué par le témoignage de cette parole de pureté qui est la ilaha illallah. C'est pas juste que tu dis avec ta bouche la ilaha illallah, puis qu'après tu fais n'importe quoi. Tu opposes la signification de cette condition-là par tes gestes, par tes paroles, par tes actions. Et tu le fais en apparence, Mais dans ton cœur, tu as le contraire de cette signification-là, comme les munafiqis, par exemple. Ceux qui disent avec la bouche, on croit, mais qui dans leur cœur sont des ennemis de la foi, ou des ennemis du tawhid, ou des ennemis de l'islam. C'est très grave. Parce que vous avez des gens aujourd'hui qui disent la ilaha illallah et qui se disent musulmans et qui combattent le tawhid, qui sont des ennemis acharnés du tawhid. Si tu leur dis mon frère adore Allah seul, hein, ça les met en colère. Parce qu'ils disent ah, mais qu'est-ce que t'as, tu n'aimes pas les salihin, les awliya, hein? T'as la haine contre les salihin, contre les awliya, tu ne veux pas les invoquer? Tu ne veux pas leur faire des invocations et ainsi de suite. Tu ne veux pas les prendre comme des intermédiaires entre toi et Allah. Et ils ramènent des shubuhat, des hadiths qui sont faux, qui sont fabriqués. Un hadith maudou'a, un hadith da'ifa, ou même des hikayat parfois. Il y en a qui vont te ramener des histoires, il y en a qui vont te ramener des rêves. Ils vont dire, mon cheikh, il a eu tel rêve, il a vu telle chose. Hein, et dernièrement, il y en a, subhanallah, j'ai trouvé... il y avait un soufi, yani d'une tariqa, qui expliquait justement une salat, une prière qu'il a appris de la part de son cheikh, c'est la tariqa Tijaniya. Il disait dans cette conférence, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que Allah et le prophète sont partout et qu'ils sont dans toutes choses. Hein? Et que Allah est, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec Allah partout et en toutes choses. Et parmi les exemples de ça, c'est qu'il essayait de montrer que la salat, le dua qu'il a reçu de son cheikh, qu'il appelle salat al-fatih, il dit que cette prière là, si tu calcules la valeur de chacune de ces lettres et que tu compares avec la valeur des lettres de certains versets dans le Coran, tu vois qu'ils ont la même valeur numérique. Allahu a'lam, d'où est-ce qu'il a sorti ces valeurs numériques-là? Il dit alif, ça vaut 1, ba, ça vaut 10, ta, ça vaut 20, l'autre lettre, sin, ça vaut 500, 200. D'où est-ce qu'il a pris ça? C'est quoi la preuve que telle lettre vaut tel chiffre ou telle valeur numérique? Ça vient, hein, c'est connu chez les juifs avant même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé. Les juifs faisaient ça, donner des valeurs numériques à des chiffres, mais ça c'est basé sur aucune preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ma anzal Allahu biha min sultan. Donc comment tu peux te baser sur ce genre de choses-là? Hein? Puis à la fin, comme c'est mentionné dans le livre de Ahmed Tijan, il dit que cette prière c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a appris directement. C'est-à-dire, il n'est pas dans son rêve, dans son sommeil, non. Ahmed Tijan disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient me voir en état d'éveil. Il marche et il vient, il me parle, il me dit des nouvelles choses comme ça. Il m'a appris salatul fatih. Et il m'a dit que cette prière de salatul fatih, elle vaut 6000 fois la lecture du Coran au complet. Donc si tu récites leur dua qu'ils appellent salatul fatih lima urliq, hein, la prière... Hein, qu'ils appellent salatul fatih lima ughliq, c'est un dua de deux phrases, hein, qui est très court. Il dit, tu récites ça seulement, tu as récité le Coran 6000 fois. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont placé ce dua au-dessus du Coran. Et c'est pour ça que, hein, tu retrouves des critiques très sévères de la part des ulama contre cette tariqa et contre leurs croyances et leurs pratiques. Hein? Mais combien de musulmans vous avez entendu mettre en garde parmi les musulmans? Combien vous avez entendu d'entre ceux qui disent faire la da'wa à l'islam et prêcher l'islam, combien vous en avez entendu parmi eux mettre en garde contre ces bid'ahs et contre ces khurafats, ces superstitions et ces innovations? Combien? Très peu ou presque pas, hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres préoccupations politique, économique et autres. Mais l'aqida, ça c'est un détail pour eux. C'est pas important, faut pas en parler. Ça divise les musulmans. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-inqiyad, la soumission intérieure et apparente. الشرط الخامس الصدق وهو التصديق بها بمعنى أنك إذا قلت لا إله إلا الله يجب أن تكون صادقا فيما تقول ظاهرا وباطنا والدليل على صدقك فيها هو أن تفرد ربك بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا وحده دون سواه فلا تتوجه بالعبادات إلا إليه كما أمرك الله عز وجل في قوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وكما قال في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكما في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وكما في قوله الحق ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وكما في قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إلى غير ذلك من النصوص. Donc le Cheikh il explique, il dit la preuve. Une autre des conditions de la ilaha illallah, c'est as-sidq, c'est-à-dire d'être véridique. D'être véridique et de croire en ce que cette parole-là signifie. Et c'est-à-dire que lorsque tu dis la ilaha illallah, il est obligatoire pour toi d'être sincère dans cette parole, intérieurement et extérieurement. Et la preuve de ta sincérité, lorsque tu dis cette parole, c'est que tu vas faire en sorte que tu rends ton culte à Allah ou ton adoration d'Allah exclusive. Que tu ne vas rien associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans toutes les adorations que tu fais, que ce soit une adoration avec ton argent, comme la zakat, une sadaqa, ou un nafaqa, ou autre, ou bien une adoration qui est physique, que tu fais avec ton corps, comme la salat, hein, ou autre, et ainsi de suite. Et que tu ne vas donner à quiconque une part de cette adoration-là. Tu ne vas pas en partager quoi que ce soit avec autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne vas pas te tourner vers autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans une des adorations, peu importe laquelle. Que ce soit le zikr, que ce soit le dua, que ce soit le sujoud, que ce soit le rukur, que ce soit yani le dhabh ou le nazr. إلى غير ذلك من العبادات donc ça c'est important. Beaucoup de gens ils savent pas la signification du mot shirk. Si tu leur demandes par exemple un shirk, qu'est-ce que ça signifie? Si tu demandes à des musulmans qu'est-ce que ça signifie le shirk, la définition générale qui englobe toutes les formes et toutes les manifestations de shirk, c'est quoi la signification du mot shirk? Parce que le contraire de tawhid, le contraire de l'islam, c'est le shirk. Donc, on a expliqué que la signification de la ilaha illallah, c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le contraire de ça, c'est le shirk. C'est-à-dire que tu donnes des partenaires avec Allah. Mais qu'est-ce que ça signifie de donner des partenaires à Allah dans l'adoration? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu offres à autre que Allah, peu importe qu'est-ce que c'est, la chose ou la personne, tu offres à cette chose ou à cette personne une forme quelconque d'adoration. Peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être, que ce soit un prophète. Il y en a qui disent, mais non, nous on n'adore pas une idole, on adore un prophète. C'est pas pareil, mais c'est la même chose. Si tu l'adores, tu en as fait une idole. Donc ceux qui adorent Isa alayhi salam, ils ont fait d'Isa une idole. Ceux qui adorent Maryam, radiyallahu anha, la même chose. Et ceux qui adorent d'autres parmi les messagers et les prophètes, c'est la même chose, c'est du shirk. Ceux qui adorent des anges, ils disent nous on n'adore pas des idoles, on adore des anges. C'est pas la même chose, c'est pas du shirk. Oui, c'est du shirk aussi. Puisque vous adorez autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous adorez des djinns, c'est la même chose. Si vous adorez des awliya et des salihin, mais c'est pas la même chose, c'est pas des idoles ça, c'est la même chose. Depuis que tu offres à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration, tu as commis le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas spécifique à une seule forme d'adoration. C'est-à-dire, c'est pas juste si tu te prosternes, que ça y est, ça c'est le shirk. Mais que si tu fais des du'as, c'est pas grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ad-du'a huwa al-ibada. Dans un hadith qui est authentique. Il a dit, le du'a c'est l'adoration. Donc si tu les invoques, en dehors d'Allah, tu as commis shirk. Hein? Beaucoup de gens, si tu leur demandes c'est quoi le shirk, ils ne savent pas. Ça peut être une adoration que tu fais par le fait d'égorger ou de sacrifier, hein, un animal pour une tombe, pour un saint, hein, pour un djinn. Il y en a dans les pays musulmans, hein, parmi les gens, ils sont des agriculteurs. Et pour avoir une bonne récolte, ils ont peur que s'ils ne vont pas sacrifier pour les djinns un animal, ils ont peur que leurs récoltes ne vont pas être bonnes. Et donc ils le font. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans les pays musulmans. Hein? Il y en a d'autres, ils vont construire une maison quelque part. Donc avant de commencer à creuser, ils vont sacrifier un animal pour les djinns. Pour éviter que les djinns leur causent du tort à cet endroit-là. Ou des choses de ce genre. Ça, c'est une adoration qu'ils offrent aux djinns et c'est du shirk. Et le shirk, c'est le pire de tous les péchés. Inna shirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Hein? Et il mentionne ici, wa man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Celui qui commet le shirk avec Allah, Allah lui a interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Comment on peut prendre le shirk à la légère et penser que c'est quelque chose qui n'est pas important d'en parler? Ça cause de la division. Comment ça, ça cause de la division? Subhanallah. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à la ilaha illallah, ça n'a pas créé de la division. Ça a créé la plus grande division, la division entre le haqq et le batil, la division entre les mu'minines et les kafirines, la division entre les mushrikines et les muwahidines. Cette division-là, elle est obligatoire. Il faut qu'elle existe. Hein, c'est pas comme certains aujourd'hui qui disent « Non, il n'y a pas de différence entre les êtres humains, on est tous des êtres humains, c'est ça qui est important. » Hein, que tu sois croyant ou non-croyant, c'est pas grave. Que tu sois juif ou chrétien ou bouddhiste, hindou, Krishna, ou je sais pas quoi encore, musulman, c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. L'important, on est tous des hommes. On est tous des êtres humains. Ah oui? Est-ce que c'est ça que Allah dit dans le Coran? Est-ce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans la sunna? Ou bien c'est que la chose qui divise et qui sépare les hommes, c'est la foi. Al-Iman, wal-Ikhlas, wal-Tawhid. Hein? Donc il faut revenir au fondement de l'islam. Il ne faut pas se laisser impressionner par les beaux discours des gens qui parlent au nom de l'humanisme, au nom de je ne sais pas quoi d'autre encore comme valeurs, soi-disant qu'ils appellent valeurs universelles, alors qu'elles ne sont même pas universelles. Parce que les valeurs universelles, c'est les valeurs qui sont dans le Coran et dans la Sunna. C'est le tawhid. Hein? C'est le tawhid ou l'ikhlas. Hein? Et at-ta'at. Wa ta'atullah subhanahu wa ta'ala. Wa fi'l khayr. Wa tark al-ma'asi. Ça, c'est les bases, les valeurs universelles, c'est al-qiyam, c'est ça les valeurs les plus élevées et les plus hautes de l'humanité. Hein? C'est ça qui élève l'homme, c'est pas autre chose, c'est pas des choses que les hommes ont écrites avec leurs propres mains et ils ont établi comme étant des règles ou des chartes ou des droits ou des autres trucs. Et puis ils mettent ça comme étant au-dessus de la parole d'Allah, au-dessus du prophète, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, parmi les preuves de qu'est-ce qu'on a mentionné par rapport à l'adoration et du tawhid, et que ton adoration doit être vouée à Allah seul, c'est comme ce qu'Allah a ordonné dans le Coran, dans plusieurs versets. Par exemple, Sourate al-Isra, le verset 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ton Seigneur a décrété, a ordonné que tu ne dois rien adorer excepté lui, que tu ne dois rien adorer excepté lui. Il y a la négation et l'affirmation. Hein? La ta'budu illa iyyah. La ilaha illallah. Ça, c'est l'explication de la ilaha illallah, ce verset. L'exemple, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et n'associez rien avec lui. Nafyun wa isbat. Tout le temps. Négation, affirmation. C'est ça la signification du témoignage. Wa kama fi qawlihi wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées, les lieux d'adoration sont pour Allah, alors n'associez rien, ou n'invoquez rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'un. N'invoquez rien. Ça veut dire peu importe qu'est-ce que ça peut être, la chose que vous invoquez, vous ne devez pas l'invoquer, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, si tu vas dans les mosquées dans les pays musulmans aujourd'hui, tu trouves dans beaucoup d'entre ces mosquées-là des tombes. Parfois, tu vas trouver en plein milieu de la mosquée une tombe. Hein? En plein centre de la mosquée, tu rentres dans la mosquée, tu trouves quoi? Une tombe. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de mettre des tombes dans les mosquées? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de mettre des tombes dans les mosquées? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara ittakhadhu quboura anbiya'ihim masajid. Il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des mosquées. Hein, comme lieu d'adoration. Et tu le retrouves, sachez les juifs aujourd'hui, qui font des pèlerinages à leurs tombes, aux tombes de leurs saints et de leurs hommes pieux. Et chez les chrétiens, qui font des pèlerinages aux tombes de leurs femmes pieuses et de leurs hommes pieux, qui vont leur demander la bénédiction, qui vont leur demander des grâces, qui vont leur demander de toutes sortes de choses. Et tu vois que parmi les musulmans, il y en a qui ont suivi l'exemple de ces gens-là et qui font ça aujourd'hui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih rapporté par Al-Bukhari et Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qila manhum al-yahud wa al-nasara qala faman. Vous allez suivre l'exemple des juifs et des chrétiens pas à pas jusqu'à ce que si l'un d'entre eux entre dans le trou d'un lézard, vous allez les suivre. Ils ont dit, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens au messager d'Allah? Il a dit, qui d'autre? Si ce ne sont pas eux, qui d'autre? Ça c'est la preuve qu'il y a une partie de la Ummah qui vont suivre les juifs et les chrétiens. Une partie, ou bien plutôt même une grande partie des musulmans vont suivre l'exemple des juifs et des chrétiens. Sauf qu'en même temps, le prophète Sam a dit, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Qu'il y aura toujours un groupe de ma Ummah qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui les abandonnent et ceux qui s'opposent à eux ne pourront les nuire en quoi que ce soit jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah et ils resteront ainsi. Ils resteront victorieux jusqu'à la fin. C'est-à-dire que parmi les musulmans dans la Ummah, il y a un groupe parmi eux qui vont toujours rester fermes et accrochés au Coran et à la Sunna et à l'exemple des premiers musulmans et qui ne vont pas dévier ni à gauche ni à droite jusqu'à la fin des temps. Et ça c'est une bonne annonce de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui doit nous inciter à essayer de rechercher ce groupe, de connaître leurs caractéristiques pour faire partie de ce groupe-là. Et pour en faire partie, il suffit de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple de ce que les sahaba ont suivi. Hein? Donc ça c'est très important. Hein? Parce que il y a des gens aujourd'hui qui appellent à toutes sortes de choses au nom de l'islam. Hein? Et donc il faut être vigilant. Le cheikh il dit ensuite comme exemple, wa kama fi qawlihi al-haq. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset 117 dans sourate Al-Mu'minun, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité au sujet de laquelle il n'a aucune autorité, aucune preuve, alors son jugement n'appartient qu'à Allah Hein? Son jugement ne sera que auprès de son Seigneur. Il ne fait pas ou il ne donne pas le succès aux kafiroun. Il ne donne pas le succès aux mécréants. Ça veut dire que ceux qui invoquent d'autres avec Allah sont des mécréants. Innahu la yuflihul kafiroun. Ça, c'est une chose très importante à comprendre. Et, subhanallah, il y a des musulmans qui vont par groupe dans certains pays, qui font des pèlerinages par millions à des tombes et à des saints. Et qui organisent des voyages pour aller offrir des sacrifices et faire des vœux à ces tombeaux-là. Comme par exemple, dans certains pays comme en Égypte, il y a la tombe de Al-Badawi. Et il y a la tombe de Al-Hussein. Et de celle qu'ils appellent Sayyidat Zainab. Et dans d'autres pays, au Sénégal, par exemple, il y a la tombe de Ahmadou Bamba, à Touba. Ils font des pèlerinages là-bas. Et au Maroc, il y a la tombe de Ahmed Tijan, à Fès. Il y en a plein d'autres. Dans chaque ville, dans différents pays musulmans, dans chaque ville, il y a une koubba sur la tombe d'un saint ou d'un homme pieux, ou une zaouia, ou une tombe où un saint est adoré. Et les gens vont faire des pèlerinages à ces endroits-là. Et s'il y a une source à côté de cette tombe, ils disent que cette eau-là est bénite. Ils en prennent dans des bouteilles et ramènent chez eux pour se laver avec. Comme si c'était l'eau de Zamzam. En fait, même certains d'entre eux pensent que de faire ces pèlerinages à ces tombes, c'est comme si tu faisais un petit hajj. Et certains, ils le disent même, que si tu n'es pas capable d'aller faire le hajj à Mecca, tu vas faire le hajj à la tombe d'un de ces saints. Ils appellent ça les mawasim. Les ziyarat. Des choses de ce genre. Et il y a des groupes politiques et islamistes, soi-disant islamistes aujourd'hui, qui prêchent, soi-disant, l'islam, mais qui ne disent pas un mot de ces choses-là. Et qui n'en parlent jamais et qui ne condamnent jamais ces choses-là. Même que parmi ces groupes-là, les fondateurs de ces groupes, parmi eux, faisaient ces choses-là et pratiquaient ces choses-là. Donc comment ils vont condamner quelque chose qu'ils pratiquaient eux-mêmes? C'est pas possible. Et na'am, donc, ça c'est à propos de ce point-là. Et il mentionne le dernier verset, le verset 5 dans sourate Al-Bayyinah, « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ » Le verset 5 dans sourate Al-Bayyinah, « Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, en hunafa. » Hunafa, qui est le pluriel de hanif, qui signifie de se détourner et de s'écarter du shirk et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de se tourner vers Allah seul. En hunafa. Wa yuqimu as-salat, et d'établir la salat et de donner la zakat, et voilà la religion de la droiture. Wa dhalika ad-dinu al-qayyim, wa dhalika ad-dinu al-qayyima. إلى غير ذلك من النصوص التي أمر الله عز وجل فيها المكلفين أن يتوجهوا إليه بعباداتهم من فعل الأوامر وترك النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام وإقامة الفرائض وإقامة الحدود وأداء الواجبات والتقرب إلى الله بالمسنونات وهذه هي العبادات التي كلف الله بها جميع المخلوقات من عالم الإنس والجن. Donc le cheikh il dit qu'il y a beaucoup d'autres textes également dans le Coran et dans la Sunna dans lesquels on retrouve l'ordre d'adorer Allah seul et de se tourner uniquement vers Allah dans nos adorations et de faire les actes obligatoires et de se détourner ou d'abandonner les interdictions, de rendre halal ce qui est halal, de rendre haram ce qui est haram et d'établir les piliers, les obligations, d'établir les peines lorsqu'elles doivent être appliquées. Et d'appliquer ce qui est obligatoire dans la religion et de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant un surplus aussi comme les actes surérogatoires. Et tout ça donc sont des adorations que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur le dos des serviteurs et des créatures parmi le monde des djinns et des hommes. Donc ça c'est as-sidq. Idhan, ma'na as-sidq, an yakuna sadiqan. وأن يكون مصدقا بما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من المعنى. Donc il dit que donc la condition de al-sidq, c'est que tu sois sincère et véridique, et que tu sois également parmi ceux qui croient et qui reconnaissent la véracité de ce que cette parole implique comme signification. Et le cheikh il dit وَضِدُّ الصِّدْقِ الْكَذِبِ كَصَنِيعِ كُفَّارِ قُرَيْشِ وَمَنْ لَفَّ لَفَّهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ الكريم صلى الله عليه وسلم وأتباعهم إلى يوم الدين. نعم لقد كذب بها الوثنيون وعباد القبور وأصحاب الغلو في الصالحين وكذب بها الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث ولا بالنشور وكذب بها اليهود وكذب بها النصارى فغضب الله عليهم جميعا لأنهم لم يصدقوا بهذه الكلمة لأن وإنما جعلوا مع الله آلهة أخرى. Donc le cheikh il dit le contraire de cette sincérité, c'est le mensonge. C'est-à-dire comme l'exemple de ce qu'ont fait les koufars de Quraysh, les mécréants de Quraysh et tous ceux qui les ont suivis dans cette mauvaise exemple. À l'époque du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'exemple de ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Certes, oui, les mushrikoun, les idolâtres, les adorateurs des tombes, et les gens qui exagèrent au sujet des hommes pieux, sont tous tombés dans le mensonge. Hein? Ils ont tous traité de mensonge, hein? La vérité et le tawhid, hein? Par rapport à ça. Et de même que les malahida, ceux qui nient Allah subhanahu wa ta'ala, qui nie ses noms, qui nie ses attributs, ou qui nie son existence, il ne croit pas en son existence, qui ne croit pas au paradis, qui ne croit pas en l'enfer, qui ne croit pas en la résurrection, au rassemblement après la mort. Et de même que les juifs et les chrétiens ont traité ce message et cet appel de mensonge. Et Allah donc a été en colère contre eux, contre eux tous. Parce qu'ils n'ont pas cru en cette parole de vérité qui est la parole de la ilaha illallah, et ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ils ont mis avec Allah des divinités, d'autres divinités dans l'adoration. فالكفار الوثنيون جعلوا مع الله معبودات من الخشب والحجارة والتماثيل والأضرحة ويتوجهون إليها بالنذور والذبائح ومن ثم يستغيثون بمن فيها ممن يطلقون عليهم الأولياء في جلب المصالح ودفع المضار فخابوا وخسروا وعبدت اليهود ثلاثة والنصارى كذلك كما بين الله عز وجل في قوله وقالت اليهود عزير ابن الله فجعلوا لله ولدا وقالت النصارى المسيح ابن الله. Le cheikh dit donc les kuffars et les idolâtres, ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont mis avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres choses, d'autres divinités, des divinités en bois, des divinités en pierre, des idoles, des statues, des tombeaux vers lesquels ils se tournent pour offrir des vœux, pour offrir des offrandes, et ainsi de suite. Et parfois ils les appellent au secours lorsqu'ils sont dans les moments de détresse, et en particulier ceux qu'ils appellent les saints, les awliya, hein, et cette notion de sainteté, Elle a été empruntée des chrétiens. Elle a été transmise, hein, chez les musulmans. On a donné au terme wali ou au terme awliya une signification différente de ce qu'elle signifie dans les textes du Coran et de la Sunna. Hein? Et on en a parlé de ça. Et on en reparlera aussi encore. Parce que le wali, ça veut dire celui qui croit et qui craint Allah. Ala inna awliya Allah. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Hein? Certes, les awliya, les gens qui sont rapprochés d'Allah, Allah inna awliya Allah, la خوف عليهم, aucune crainte, hein? Ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés, ceux qui ont cru et qui ont eu at-taqwa, ceux qui ont cru et qui ont eu at-taqwa, c'est ça le wali d'Allah. Mais les awliya chez les soufis par exemple, Ça a une autre signification totalement différente. Pour eux, c'est des êtres surnaturels ou supernaturels qui ont des dons, qui peuvent faire des miracles à volonté. Hein? Et on reconnaît que certains d'entre les hommes pieux peuvent avoir des prodiges. Mais eux, ce qu'ils prétendent, c'est pas la même chose. Hein? Ils exagèrent dans cet aspect-là. Et ils pensent que le wali, il a le contrôle des cieux et de la terre. Il peut décider quand est-ce que la pluie va tomber. Hein? Et ainsi de suite. Il peut faire tout ce qu'il veut dans. Parce qu'ils ont cette notion-là chez eux. Hein? Qu'est-ce qu'ils appellent Al-Qutb ou bien Al-Rawf? Ils disent que c'est celui qui dirige l'univers en dehors d'Allah. Et c'est lui qu'il faut appeler en moment de détresse. Et ils disent qu'il y a dans la création ce qu'on appelle Rijalul Ghaib, les hommes invisibles. Et ils disent que c'est eux qui contrôlent, hein, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est dans les livres de ces gens-là. Donc ça, c'est très important, donc, de faire attention à cette fausse notion de qu'est-ce qu'ils ont inventé comme wilaya. C'est pas ça, un wali dans l'islam. Ça a été emprunté de chez les chrétiens, chez les juifs et autres. Dans l'islam, tout bon musulman croyant qui craint Allah, c'est un wali. Hein? Et les meilleurs d'entre les awliya, c'est qui? C'est les sahaba. Après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ce sont eux les plus grands awliya. Tandis que chez les soufis, hein, comme par exemple, comme on mentionnait les Tijaniya, hein, ils disent que Sayyidul Awliya, c'est Ahmed Tijan, qui est né en 1800, il est dans les années 1800. Comment lui peut être le meilleur des awliya, meilleur que les sahaba? Yanni, ça c'est pas possible. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on mentionnait à ce sujet-là. Donc ils pensent que ces awliya-là, ils ont un pouvoir et que même après leur mort, hein, ils peuvent, hein, t'aider. Puis il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a un cheikh qui s'appelle Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. C'est-à-dire le discernement entre les alliés de Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et les alliés du Shaitan. Et on voit que, en lisant ce livre-là, chez les soufis, par exemple, la différence entre les alliés d'Allah et les alliés du Shaitan, elle est très difficile pour eux à faire. Et souvent, leurs awliya sont des awliya du shaitan et non pas des awliya d'Allah. Naam. Ensuite, le shaykh, il dit donc que ces gens-là, ils ont cherché à trouver quelque chose qui leur profite ou à repousser un mal de la part de ces soi-disant awliya. De même que les chrétiens, ils adorent, les juifs et les chrétiens, ils ont adoré trois. Les juifs ont dit que Uzair est le fils d'Allah. Donc, ils ont donné à Allah un fils. Et les chrétiens ont donné à Allah un fils aussi en disant que Al-Masih, c'est le fils d'Allah. Donc ils ont donné à Allah un fils. Le verset 30 dans sourate At-Tawbah. وَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَذَمَّهُمْ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وذمهم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أي يتخذون العلماء والعباد أربابا يحلون لهم الحلال فيتبعونهم على ذلك ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك فذمهم الله عز وجل ذما شديدا لتأخذ أمة القرآن العظة والعبرة من صنيعهم الذي أوضحه الله بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Donc Allah سبحانه وتعالى les a réfutés et les a blâmés en disant: voilà leurs paroles qu'ils disent avec leur bouche. Ils imitent la parole de ceux qui ont mécru avant. Que Allah, hein, qu'ils soient maudits par Allah, comme ils se détournent. Le verset 30 dans Surah Tawbah. Le verset 31 dans Surah Tawbah, Allah les blâme encore une fois. Et il dit à leur sujet, ils ont pris leurs moines, leurs rabbins et leurs moines, comme des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie. C'est-à-dire qu'ils prennent de leurs savants, de leurs moines, de leurs adorateurs, des seigneurs, qui rendent pour eux haram de halal, et qui rendent pour eux halal ce qui est haram. Et eux, ils les suivent dans ça. Ils les suivent dans le fait de rendre haram ce qui est halal et dans le fait de rendre halal ce qui est haram. Hein? Et donc ça c'est des exemples. Alors Allah les a blâmés à ce sujet-là d'un blâme très sévère pour que notre Ummah, la Ummah de l'Islam, prenne de cela une leçon et un exemple pour qu'ils ne fassent pas la même chose qu'eux. Les exemples qu'on lit dans le Coran à propos des juifs, à propos des chrétiens, à propos des mouchriquins, c'est des exemples pour nous, les musulmans, pour qu'on ne devienne pas comme eux, ou pour qu'on ne suive pas leurs erreurs, pour qu'on ne suive pas leurs mauvais exemples. Ce n'est pas des histoires qu'on nous raconte à propos d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec nous. Hein? Et il y en a beaucoup de gens, malheureusement, qui pensent comme ça. Donc le cheikh, il dit, Allah a expliqué ça en disant qu'ils ont pris leur rabbin et leur moine comme des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer Allah, hein, que d'adorer une divinité unique, c'est-à-dire d'adorer Allah seul. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe. أما أهل الإلحاد والدهريين والطبائعيين والماركسيين فهؤلاء لا يؤمنون بوجود الله عز وجل وإنما يؤمنون بأن الطبيعة هي التي تتصرف في الكون وإذا سئلوا عن الطبيعة قالوا هي فاعلة هي قوة أو قالوا قوة فاعلة لا يدرون عن حقيقتها وهذا غاية الكفر والإلحاد لشيخ الزيانسي concerne les gens de l'athéisme. Comme par exemple, ceux qu'on appelle Ad-Dahriyoun. Hein? Ad-Dahriyoun, comme par exemple, les bouddhistes, ou bien, il y en a des gens qui, sont des purs matérialistes. Ad-Taba'iyoun, ceux qui croient en la nature, qui disent que c'est la nature qui a créé le monde, et que la nature agit selon sa nature, hein, le monde agit selon sa nature, il n'y a pas de créateur. Et les marxistes, qui sont des purs matérialistes aussi. C'est la même chose, hein. Donc, les marxistes, c'est ceux qui suivent l'exemple de Karl Marx, un philosophe allemand, sociologue. Il y en a qui est venu avec, ses idéologies révolutionnaires à son époque, le communisme révolutionnaire et le socialisme démocratique. Donc ça, c'est inspiré de Karl Marx, qui était un matérialiste. Et à Taba'iyoun, ça on les retrouve, chez ceux qui pensent que l'univers s'est créé tout seul et il se contrôle par lui-même, et ainsi de suite. Et à Dahriyoun, c'est ceux qui disent, comme Allah mentionne dans le Coran, que rien ne nous fait périr excepté le temps qui passe, et qu'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de mort, il n'y a pas rien après la mort ou des choses de ce genre, il n'y a rien de halal, il n'y a rien de haram, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin à l'univers, l'univers est éternel, hein. Ne fait que se transformer. Hein? Ça, c'est des idées d'ilhad, de kufr, qu'on retrouve, hein, qui sont propagées. Et le cheikh, il dit que si on leur demande à ces gens-là, à propos de la nature, c'est quoi la nature? Ils vont te dire, c'est une force agissante. Et si tu leur demandes, c'est quoi cette force agissante? Hein? Parce que les kuffars, c'est ça qu'ils disent aujourd'hui. Si tu leur dis, qui a créé le monde? Ils disent, c'est une force. Je crois pas en Dieu, mais je crois qu'il y a une force quelconque suprême qui a créé le monde et tout. Tu leur dis, oui, mais définis-moi cette force. Décris-moi cette force, comment elle est. Est-ce qu'elle a des attributs? Est-ce qu'elle a la connaissance? Est-ce qu'elle a la sagesse? Est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle entend? Est-ce qu'elle, hein? Ils ne savent pas. Donc c'est quoi ça? Le cheikh, il dit, hein, c'est quoi ça? Ça, c'est la réalité, c'est que cette parole, c'est une parole de kufr et de négation de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, c'est une négation seulement en apparence, parce que chaque être humain, dans sa fitra, que Allah, avec laquelle Allah l'a créé, il sait que Allah existe. Et il sait au fond de son âme que son créateur est unique. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim. Donc la fitra d'Allah, c'est la religion d'Allah, c'est le tawhid, c'est la religion des prophètes, hein. Et donc il faut que les gens réalisent que ça c'est dans la fitra, le fait de reconnaître l'existence d'Allah, mais que à cause de leur orgueil et de leur arrogance et de leur fierté, ils refusent de témoigner et d'accepter la vérité. Comme Allah a dit à propos de Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à propos de Pharaon, hein, وَجَحَّدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوًا. C'est-à-dire, ils l'ont nié, l'existence d'Allah et la foi en Allah, alors que dans leur cœur, ils y croyaient avec certitude. Mais ils l'ont nié par zulm, par injustice et par ulou, par fierté, par le fait de vouloir être au-dessus des autres, hein, par orgueil. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est Allah. Hein. Tu leur dis, c'est qui a créé le monde? C'est qui a tout créé? Est-ce que le monde peut se créer tout seul? Hein? Même pas une mouche, elle peut se créer toute seule. Hein? L'aile d'une mouche. Ce stylo ne peut pas se créer tout seul. Si je te dis il est apparu là tout seul, personne ne l'a fait, personne ne l'a fabriqué, il était juste là comme ça, personne ne peut accepter ça. Personne intelligent peut accepter ça. Sinon, quelqu'un qui est fou peut-être. Mais quelqu'un qui est intelligent ne peut pas accepter ça. Donc si c'est le cas pour un stylo, qu'est-ce que tu vas dire sur l'univers? Il est apparu tout seul. Celui qui dit ça, c'est quelqu'un qui est arrogant et fier, qui renie qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qui est évident, hein, le gros bon sens comme on dit, hein. نسأل الله العافية. Le cheikh dit الشرط السادس الإخلاص وضده الشرك والمشرك عمله باطل ومردود عليه لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Le cheikh explique que la sixième condition c'est الإخلاص, c'est-à-dire le fait de vouer à Allah une adoration pure et sincère à Allah seul. وَضِدُّهُ الشِّرْكِ, le contraire de Al-Ikhlas, c'est le shirk. Et le mushrik, celui qui commet le shirk, eh bien son œuvre, tout ce qu'il a fait, eh bien elle est vaine, elle n'a aucune valeur. Et elle sera rejetée contre lui au jour de la résurrection. Même s'il a fait toutes les bonnes œuvres qu'il peut faire, quelqu'un, par exemple, il a, par exemple, aidé les pauvres, hein, il s'est occupé des malades, il a fait toutes sortes de bonnes actions dans cette vie, il a construit des hôpitaux, il a fait creuser des puits, il a été parmi ceux qui ont fondé des fondations pour aider les gens qui sont en détresse ou des choses de ce genre, hein. Mais ils n'ont pas cru en Allah. Ou bien ils ont cru en Allah, mais ils ont fait le shirk avec Allah, en adorant d'autres que lui. Au jour de la résurrection, toutes les actions qu'ils ont faites, même si ça arrive à la grandeur des montagnes, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire devenir comme de la poussière ce jour-là, au jour de la résurrection. Ils n'auront pas le poids de rien de ce qu'ils ont fait de bien, au jour de la résurrection. Allah, il dit dans le verset 23 dans Surat Al-Furqan, on a considéré ce qu'ils ont fait comme action, comme œuvre, et on en a fait de la poussière éparpillée. De la poussière éparpillée. La condition numéro 7, الشرط السابع المحبة. المحبة لهذه الكلمة. ولما دلت عليه من معنى. والمحبة لمن أنزلها. وأمر أن تحقق. ظاهرا وباطنا ولمن دعا إليها من الرسل والأنبياء والوارثين لعلمهم ودعوتهم فمن أحبها وأحب من أمر بها وأحب المعنى الذي دلت عليه فهو المسلم حقا ومن أبغضها وأبغض من جاء بها ولم يعمل بما دلت عليه من المعاني فهذا ليس من المسلمين في شيء وضد المحبة البغض البغض. Donc le cheikh il dit la condition numéro 7 de la ilaha illallah c'est l'amour. Donc le musulman doit avoir de l'amour pour cette parole et il doit aimer ce que cette parole a comme signification et il doit aimer celui qui a révélé cette parole et il doit aimer, hein, ce que Allah a ordonné. qui est nécessaire pour implémenter et réaliser la signification de cette parole, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Donc tout ce que cette parole-là implique, tu dois l'aimer. Et tu dois aimer celui qui a appelé à cette parole parmi les messagers et les prophètes et parmi les héritiers de leur science, c'est-à-dire les ulama. Et tu dois donc les aimer. Et tu dois aimer celui qui ordonne cette parole. Tu aimes cette parole et celui qui ordonne cette parole. Et tu aimes sa signification et ce que cette signification-là implique. Celui qui a ces caractéristiques-là, c'est lui le vrai musulman. Celui qui déteste cette parole et qui déteste celui qui l'a amené, même s'il applique, il n'est pas musulman. Hein? Même s'il applique la signification, mais qu'il ne l'aime pas, qu'il la déteste, alors il n'est pas musulman, même s'il prétend l'être. Parce qu'il déteste cette parole et cette signification. Et la dernière condition parmi les conditions de la ilaha illallah, ash-shartu thamin al-kufru. Hein? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Hein? Iz la wa la illa bi bara. Hey, la tawhid haqiqi illa an yakuna at-tawhid maqrunan bil bara'ati min ash-shirk wa ahlihi. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire que la huitième condition, c'est que tu dois rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans haine. Il ne peut pas y avoir d'affiliation sans désaveu. Les deux vont ensemble. C'est comme si je te dis, par exemple, tu ne peux pas dire j'aime Allah puis tu aimes le shaitan en même temps. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire j'aime le tawhid puis tu aimes le shirk en même temps. Tu ne peux pas dire j'aime la sunna puis tu aimes la bid'a en même temps. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui s'opposent. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tant que tu dis par exemple je crois que Dieu existe, c'est pas suffisant. Il faut en même temps que tu rejettes tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et tout ce qui adore d'autre que Allah. Sinon tu n'as pas cru en Allah réellement. Hein? C'est pas juste de dire je crois en Allah, mais j'accepte tout le monde. Et j'accepte tout ce que les gens adorent, je l'accepte aussi. Et je le respecte. Il y a des gens qui disent ça parfois. Et ils ne font pas attention à ce que ça signifie. Parce qu'il y en a qui vont dire, l'islam respecte toutes les religions. Qu'est-ce que tu veux dire par respect? Et qu'est-ce que tu veux dire par toutes les religions? Tu veux dire que l'islam respecte le shirk? L'adoration des idoles? L'adoration des morts? L'adoration des saints? L'adoration des anges ou des djinns? L'adoration des statues? L'islam respecte ça? Jamais de la vie. Jamais. Parce que ça, c'est le mensonge. C'est le faux. Et l'islam ne respecte pas le faux. Hein? Sauf que si tu veux dire l'islam respecte la da'wa de tous les messagers d'Allah, Moussa, Isa, Ibrahim, oui, puisque c'est le message d'Allah, c'est la religion d'Allah. Mais la religion que les chrétiens et les juifs suivent aujourd'hui, elle n'est pas en accord avec le message de Jésus. Hein, Isa alayhi salam, mais elle n'est pas en accord avec le message de Moussa alayhi salam. Donc si tu veux dire, en parlant de respect et en parlant des religions, tu parles des religions qui sont le christianisme et le judaïsme aujourd'hui ou après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas là c'est faux, on n'a pas le droit de le respecter puisque c'est le faux, le mensonge. Mais si tu parles de la base du message de ces prophètes là tel qu'il était à l'époque où il a été révélé et enseigné par ces prophètes là oui, ça, on le respecte puisque ça vient d'Allah. Mais la Torah ou l'Injil, elle a été falsifiée. Et le message de ces prophètes-là, il a été changé. Et donc, qu'est-ce qui se pratique aujourd'hui comme étant judaïsme ou christianisme? Aucun musulman n'a le droit de dire que ça, c'est quelque chose de respectable ou qu'on doit l'accepter ou que c'est la vérité ou que c'est des religions que Allah va accepter. Donc, ça, c'est très important. Donc, il faut être clair là-dessus. Et il y en a parmi les gens aujourd'hui qui vont te dire ça même, que les chrétiens et les juifs sont des croyants et ainsi de suite. On va en parler au prochain cours peut-être, Inch'Allah. Donc la dernière condition c'est ça, c'est que tu dois non seulement affirmer que Allah existe et que c'est lui seul qui, qui doit être adoré, mais tu dois rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et rejeter et renier tous ceux qui adorent d'autres que, et te désavouer de tous ceux qui adorent d'autres avec Allah. Donc, on va répéter les conditions encore une fois, juste pour terminer. Al-Al, Al-Yaqin, Al-Qaboul, Al-Inqiyad, Al-Sidq, Al-Ikhlas, Al-Mahabba, wa Al-Kufr, bima yu'badu min dunillah. C'est-à-dire la science, la certitude, l'acceptation, la soumission, la véracité ou la sincérité, la pureté, hein, et la pureté est le tawhid, l'ikhlas, la sincérité et la pureté dans l'adoration, l'amour, et la huitième qui est le fait de renier ou de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour les conditions. En ce qui concerne les hukouk et les mukammilat, les droits et les choses qui viennent compléter la ilaha illallah, c'est tout le reste des obligations dans l'islam. La salat, la zakat, le hajj, le sawm, hein, et ainsi de suite. Hein, comme Abu Bakr radiallahu anhu a mentionné des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, illa bihaqq al-islam, hein, illa bihaqq al-islam, hein, umirtu an uqatil al-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idha fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha aw illa bihaqq al-islam wa hisabuhum 'ala Allah. Donc le droit de l'islam c'est quoi? C'est le reste des piliers des obligations de l'islam. Comme le cheikh il l'explique ici. Wa amma huququha wa mukammilatuha fa hiya baqiyatu at-takalif ash-shar'iyyah min al-fara'id wal-wajibat allati amara Allah bi-imtithaliha wal-'amal bi-muqtadaha wal-ibti'ad 'an al-muharramat wal-'amal bil-masnunat hadhihi kulluha tukammilu la ilaha illallah wa tashhadu liqa'ilaha bis-sidqi fiha wal-mahabbati laha. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne les droits et les choses qui viennent compléter la ilaha illallah, c'est le reste des obligations de la sharia et les fara'id, les choses obligatoires et les choses que Allah a ordonné de faire, et l'action selon qui est impliqué par le témoignage de la ilaha illallah, de même que de s'écarter de ce qui est interdit parmi les choses qui sont haram, et de faire également les actions qui sont recommandées, qui sont surérogatoires. Tout ça, ça vient compléter la ilaha illallah, et ça vient parfaire ton témoignage de la ilaha illallah. Et ça vient témoigner pour la personne qui dit cette parole-là que cette personne est une personne sincère et qu'elle a de l'amour pour cette parole. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.